C'est vrai que j'ai plus la détermination des premiers jours. Le rap c'est plus que c'était, ça me prend la tête et puis ça casse les couilles. On serre pas les coudes mais bien du pilon gras, tous un graille. Si tu veux 40 balles, tu repars avec un poids. Pas numéro uno, que des ratos, des terres attaquées claires. Je fais pas ça pour plaire au bitch ou faire du bif, frère. Impuissant, je regarde ma vie partir en fumée. En vrai, je suis fini depuis que j'ai foutu de l'argent facile dans mes fouilles. Deal de gauche à droite, quand on kick, on est hoché à droite. 2013, année maudite, hey, Kim, une pensée à toi. Plus de temps à perdre, à faire de la merde ou bien me faire tes sauts. La mort ça prévient pas, ça faut, j't'ai proche des sauts. Tous du père, on aimerait donner un sens à nos vies. Ouais, j'esquive les faux frères, les stupes, la brigade sinophile. Roll checker, c'est plus que c'était il y a deux piges. On est devenu à vide à cause du temps des grands qui tracent en bolide. Hey, j'ai pas pris le mic pour jouer les gangsters, noyé dans le survi. T'inquiète, on sait qu'en parler, on sait gangster. Même en reculant, j'ai pris de l'avance. Y'a plus d'amitié, plus de confiance, que de la baisse, c'est plus que c'était avant. Les potes, les années passent, et les poteaux qui sont tibards. Faut faire une croix sur certaines personnes, mais bon, des fois c'est pas plus mal. On m'a dit, crache ta rage, écris tes peines. Ça fait si piges que je rame, plus d'une fois j'ai rempli mes pages de haine. Si la route tombe, je crois qu'elle est keblo par ici. Dans l'illégal, partisan, handicap, même les types qui participent. Ils parlent de tout baiser pour 2014, je vais tous les remettre d'accord. Ma mixtape sera la corde, yeah. Je rappe mes plaies ouvertes, mes années dans les rangs, ça fait si piges. Et heureusement que j'ai pas attendu le rap pour faire des rongées. Un besoin bénéfique de kicker ma rage, que tous les faux s'arrachent, gros, je les ai guélards bien avant le démarrage. Retour en force, j'entends les faux MC qui marronnent. Et ben ouais, quand on débarque, ça faut être la beuh, les lyrics c'est hardcore. C'est plus la même qu'avant, quand je vois nos petits frères grandir, voyous précoce à l'école et dans la street, c'est pire. Je voudrais que mon art soit reconnu comme une putain de meurtre de guerre. Genre AK-740, sincère, big up à se faire. Noir, obscène, éco, violo, casse des jeans. Et si l'union fait la force, ben sache que le pognon la divise. Le juste milieu, je vise. C'est plus la même atmosphère qui régnait comme avant. Mais bon, je relativise, utilisé pilon, bien j'ai charge. J'irai pas tenter le mal, préviens tes rappeurs qui se croient lourds. Car là j'ai chargé le char, ma gueule. Et j'ai pas pris le mic pour jouer les gangsters, noyés dans le chevi. T'inquiète, on sait qu'en parler, je te le répéterai. Même en reculant, j'ai pris de l'avance. Plus d'amitié, plus de confiance, que de la paix, c'est plus que c'était avant. Les potes, les années passent, et les poteaux qui sont tibards. Faut faire une croix sur certaines personnes, mais bon, des fois c'est pas plus mal. On m'a dit, crache ta rage, écris tes peines. Ça fait si piges que je rame, plus d'une fois j'ai rempli mes pages de haine. Si la route tombe, je crois qu'elle est keblo par ici. Dans l'illégal, partisan, du car, même les types qui participent. Ils parlent de tout baiser pour 2014, je vais tous les remettre d'accord. Ma mixtape sera la corde. Frère, les potes, les années passent, c'est les poteaux qui sont tibards. Je crois que certaines personnes, mais bon, des fois c'est pas non, plus mal. Non, gros, c'est pas normal. On m'a dit, crache ta rage, écris tes peines. Ça fait si piges que je rame, plus d'une fois j'ai rempli mes pages de haine. Si la route tombe, je crois qu'elle est keble ou parisien. Dans l'illégal, partisan, tu car, même les types qui participent. Qui partent de tout baiser pour 2014. C'est plus que remettre d'accord. Normal.